À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'Héroïque Armée Populaire de Corée, des rendez-vous, séminaires sur les exploits, expositions de photos, conférences, séances de films et banquets ont eu lieu en Allemagne, en Roumanie, en Hongrie, en Moldavie, en Bulgarie, en Pologne, en Autriche, en Espagne, au Bangladesh, en Tanzanie, au Nigeria, en Égypte, en Ouganda et en Équateur, sous la participation des personnalités des gouvernements, des organisations politiques et sociales et des habitants des pays hôtes. Dans les salles de cérémonie se trouvaient installés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et les photos montrant les exploits des grands leaders et du dirigeant suprême Kim Jong-un en matière de la fondation et du renforcement de l'armée. Lors des séances de films, on a projeté des films coréens comme « Le défilé militaire et la manifestation des citadins de Pyongyang » consacrés au 105e anniversaire de naissance du grand leader Kim Il-sung et « L'arme de la Corée ».